Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Les états généraux de la communication et des médias se sont clôturés sur quelques recommandations, notamment aux journalistes de rester professionnels en évitant tout dérapage. Les récoltes du maïs collectées par l'Agence nationale de gestion des stocks à Nagessa commenceront désormais à être vendues à partir de lundi prochain à raison de 1200 francs burundais le kilogramme. Et 500 patients attendent d'être opérés de la cataracte à l'hôpital Prince Régent Charles durant la deuxième campagne ophtalmologique de 7 jours, organisée dès ce vendredi par le ministère de la Santé en collaboration avec l'association BENA de promotion de la culture et le développement. Et la province de Ngozi vit ce week-end au rythme d'un rallye automobile. Les autorités policières et administratives rassurent que la sécurité a été renforcée et préviennent les détenteurs des débits de boissons contre toute spéculation sur les produits de la Braroudi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Alerter à temps et éviter les dérapages sont certaines des recommandations issues de la tenue des états généraux de la communication et des médias des assises qui ont duré 2 jours. Selon le rapporteur Fabien Wizimana, les communicants doivent rétablir la confiance entre eux et les médias. On l'écoute. Je voudrais vous partager les recommandations que nous avons notées. Aux journalistes, évitez les dérapages en travaillant de façon professionnelle et responsable. Être proactif pour mieux prévenir les fautes professionnelles. Veillez à ce que les journalistes s'approprient du plan national de développement pour bien accompagner sa mise en œuvre. Prévenir, prendre les devants et alerter à temps qui de droit. Défendre le bien commun et les valeurs nationales. Cultiver de bons rapports avec les responsables des services publics de manière professionnelle et personnelle. Aux médias en général et aux compagnies de distribution en particulier, il a été recommandé de respecter les conventions signées avec le régulateur en matière de respect de la moralité et des mœurs burundaises. Éviter de diffuser des chansons et de la musique qui contiennent des mots portant atteinte aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la dignité humaine. Détecter et freiner automatiquement les images malsaines. Au Conseil national de la communication, il a été recommandé de sensibiliser les journalistes sur l'existence d'agendas cachés, des nouveaux maîtres du monde qui orientent des informations par des pressions de toutes sortes. Aux médias et aux communicants, il est demandé de rétablir la confiance entre les médias et les communicants une fois entamée ou assurer un entretien régulier de cette relation si elle n'est pas encore affectée négativement. Développer le journalisme citoyen pour diffuser des sujets plus intéressants pour la population, entrer dans le réseau avec les autres médias. Entre autres recommandations, également l'encouragement aux journalistes en exil à rentrer au pays, le rétablissement des relations entre les autorités publiques et les médias, ainsi que promouvoir un climat favorable à la liberté de la presse. 500 patients souffrant de cataracte seront opérés à l'hôpital Prince-Régent Charles durant la deuxième campagne ophtalmologique de 7 jours organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'association BENA engagée dans la promotion de la culture et le développement. Lors du lancement officiel de cette campagne ce vendredi, le président de la dite association, Isaac Abimana, a précisé que cette activité sera menée dans d'autres hôpitaux l'année prochaine. Suivez-le. L'association BENA, normalement, il est ici au Burundi pour aider la population. Ça, c'est la première chose. Et c'est l'association pour la culture et le développement. Et nous aidons aussi dans l'éducation. Cette campagne-ci, c'est pour aider la population vulnérable. C'est totalement gratuit. Il y a des malades qui viennent de loin, qui vont être opérés. Ils vont être remboursés le déplacement, l'aller-retour. Donc, c'est une bonne action que je trouve qui va aider la population, surtout parce que l'opération de cataracte coûte cher ici au Burundi. nous sommes passés via le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'hôpital Prince Région. Et en général, combien de patients seront traités ou bien qui seront opérés lors de cette campagne? Pour cette campagne, ici, nous prévoyons faire la chirurgie de 500 patients. Pour arriver à la chirurgie de 500 patients, il faut qu'on ait examiné plusieurs patients. Donc, on prévoit à peu près 5000 patients pour pouvoir arriver aux 500 opérations. Vous êtes ici à l'hôpital Prince-Régent Charles. Est-ce que vous comptez même mener cette opération dans les autres hôpitaux qui se trouvent sur le sol Burundi? Cette année-ci, ça va être compliqué vu qu'on est à la fin de l'année. Mais l'année prochaine, la Fondation Al-Bassoir nous a proposé de faire deux opérations ici au Burundi. On va voir avec le ministère quelle province qui sera bénéficiaire. À ce moment-là, c'est là qu'on va décider l'hôpital sur lequel on va travailler. Et quel appel pourriez-vous lancer aux patients qui sont ici pour se faire soigner? L'appel que je peux lancer aux patients, si on dit que quelque chose est gratuit, alors quelque chose qui coûte très cher, c'est vraiment un avantage pour le patient. Et ce que je demande aux patients, c'est d'être patient et de respecter les instructions pour qu'on puisse arriver à tout ce qu'on a prévu. Isaac Abimana, président de l'association Bena, engagé dans la promotion de la culture et le développement. Restons dans la santé pour vous dire que les données statistiques pour cette année 2022 montrent que 92% des personnes vivant avec le VIH-SIDA connaissent leur état sérologique. Et parmi elles, 90% sont sous traitement antirétroviral. Docteur Emenda Izeye, directeur du Programme national de lutte contre le SIDA, l'a dit ce vendredi lors d'un atelier média de préparation de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA célébrée le 1er décembre de chaque année. On l'écoute. Et le Burundi a déjà atteint les 3,90 en 2020. Où est-ce que le Burundi est par rapport à l'atteinte de ces 3,95? Maintenant, selon les données récentes, c'est que nous arrivons à environ 92% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Vous comprenez qu'il reste 3% ou plus pour que nous puissions y arriver. Et par rapport au deuxième 95, maintenant 99,8% de ces personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique, qui sont sous traitement antirétroviral. Donc c'est presque la quasi-totalité des PVH sont déjà sous traitement. Et pour le troisième 95, c'est environ 92% de ces personnes sous traitement antirétroviral. Ils ont une charge virale indétectable. Donc, vous voyez que nous sommes sur la bonne voie, en espérant que nous, si nous accélérons, nous allons y arriver. Toutefois, quand on entre en détail, nous notons qu'il persiste encore certaines disparités, certaines contraintes. Déjà, par rapport à au premier 95, par rapport aux enfants de moins de 15 ans, nous sommes encore en arrière. Du moment où, chez les plus de 15 ans, nous arrivons à 96%, nous sommes aux environs de 39% chez les enfants de moins de 15 ans. Donc vous voyez qu'il y a encore des efforts à faire par rapport au dépistage de ces enfants de moins de 15 ans. Et l'autre aspect, c'est que par rapport aux nouvelles infections, et c'est vrai qu'ils vont en diminuant, mais nous constatons qu'elles sont présentes dans 35% des cas chez les enfants de 0 à 4 ans. Aussi témoigne de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc il y a des efforts à faire. Il y a encore des mamans qui sont en train de transmettre le VIH chez les enfants. Docteur Emenda Izeye, directeur du Programme national de lutte contre le SIDA. Et le vice-président de la République annonce pour bientôt la mise en place des comités collinaires chargés de la protection des droits des enfants. Prosper Bazombanza a reçu de sa présence les cérémonies de célébration de la journée internationale dédiée aux droits des enfants en commune Rougombo de la province Cibitoke. La ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre a demandé aux autorités administratives de suivre de près les enfants retirés de la rue et réinsérés dans leurs familles respectives pour éviter qu'ils ne regagnent la rue. Alexis Ndayiragic. Le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre a fait que son ministère compte faire le suivi des enfants de la rue et des personnes qui continuent à mendier, surtout de chercher des raisons qui font que les enfants insérés dans leurs familles reviennent dans la rue afin de trouver la réponse à cette situation, tout en indiquant que les questions qui n'auront pas de réponse seront soumises aux autorités hiérarchiques en demandant aux autorités administratives de continuer à assister les enfants dans les ménages. a été dit, ce vendredi, lors de la célébration de la Journée internationale des droits des enfants, ces cérémonies qui ont été rehaussées par le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, en commune au Gombo de la province de Cibitoki. Le ministre Sabushimi Kimerde précise que son ministère compte tenir une réunion élargie avec les administrateurs des communes pour que le Burundi ait des enfants qui sont dans les familles et non dans la rue. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, a demandé à tout un chacun de s'impliquer dans la sauvegarde des droits des enfants et surtout pour que les enfants de la rue soient insérés dans leurs familles respectives. Le vice-président de la République du Burundi a demandé au ministère ayant la solidarité dans ses attributions de la justice et celui ayant intérêt dans ses attributions de s'asseoir ensemble afin de trouver la solution aux enfants de la rue. Il affirme que bientôt, les comités de protection des enfants seront mis en place sur toutes les collines du pays, tout en précisant que ces comités doivent collaborer avec les notables collinaires des Niema élus et les administratifs à la base afin de conjuguer les efforts dans la protection des droits des enfants. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Je vous l'avais dit dans les titres, les récoltes du maïs collectées par l'Agence nationale de gestion des stocks, Anagessa, commenceront désormais à être vendues à partir de lundi prochain à raison de 1200 francs pour onder le kilogramme. Chaque citoyen aura droit à 50 kilos, annonce faite ce vendredi par Prosper Dodiko, secrétaire permanent au ministère en charge de l'agriculture. Il précise que les commerçants ne sont pas autorisés à acheter cette récolte. La sécurité des personnes et leurs biens a été renforcée ce week-end de rallye automobile en Ngozi. Propos du commissaire provincial de la police, Bonfort Ndoreraho, demande à cette occasion aux commerçants ayant installé leurs marchandises le long des différentes rues de déménager vers le nouveau marché de Rubouillet pour plus de propriété. Ce responsable policier met en garde les détenteurs des débits de boissons contre toute spéculation sur les produits Braroudi en ce week-end où ces boissons ont été rendues disponibles comparativement à ces derniers jours. Apollinaire Mozakara. Comme l'indique l'autorité administrative et policière d'Ongozi, toutes les mesures nécessaires à la sécurité ont été prises en vue du bon déroulement de ce RAD. Selon le commissaire provincial de la police de Bonfort Ndoreraho, des réunions de renforcement de la sécurité ont été tenues. Les tenants des bistrots saluent la revue à la hausse de la quantité des produits Braroudi ces jours de week-end, mais le commissaire provincial met en garde ces derniers sur toute spéculation des prix de ces produits. Différentes rues d'Ongozi ont été assaines. Le commissaire Bonfort Ndoreraho demande à cet effet aux commerçants ayant installé les produits le long des différentes routes d'Ongozi, le déménagement vers le nouveau marché de Rubouillet en vue de la propriété et la visibilité de cette ville. Suite à cet événement, tous les hôtels d'Ongozi sont quasi pleins. Le prix par chambre et par nuitée a augmenté de 10 à 20 000 francs. Même les hôtels VIP ayant des chambres de 700 000 francs sont pleins. La police et l'administration provinciale demande la collaboration de tout un chacun avec la police pour assurer la sécurité. Ce rallye d'Ongozi prépare le championnat africain prévu début 2023 au Burundi, selon Adon Negamiye, président de l'organisation de cette course automobile. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Et le nom du tout premier évêque du diocèse d'Uvira, Danilo Catarzi, de nationalité italienne, a été donné à une avenue de la ville d'Uvira mercredi 23 novembre en reconnaissance de ses œuvres de développement de 1962 à 1980. Cela a été annoncé par le maire de la ville d'Uvira lors d'une messe pour l'enterrement de son corps qui venait d'être rapatrié de l'Italie. Plusieurs témoignages ont été donnés par des habitants de la ville et des étrangers après cette messe dite à la paroisse Kavimvira par l'évêque actuel du diocèse d'Uvira, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo. D'Uvira, correspondance de Jérémy Kouhima. De nationalité italienne, Danilo Catarzi a été nommé par le pape comme premier évêque en 1970. Jusqu'en 1981 où il tombe malade et rentre se faire soigner en Italie, on parle de plusieurs œuvres en faveur des Congolais. Kujengesha maopital, alijengesha masomo, ya zaidi wakati wa mwaka wa 1972, wakati ugonjwa wa kipindupindu ulitawala. Nous avons beaucoup à témoigner et il a construit des écoles, des hôpitaux. Il a fait venir des infirmiers italiens pour lutter contre le choléra. Il a créé les diaconies, les communautés ecclésiales de base, le petit séminaire de Mugombe. Il a stimulé les Congolais à la vie religieuse. Il a envoyé des jeunes pour des études. Plusieurs paroisses ont été construites par lui, comme la Baraza, la Parroquia, Mboko, Kavimvira, les lycées et les autres. En 1972, où des réfugiés burundais sont arrivés et que le choléra a ravagé toute la zone d'Uvira. Il a aidé les pauvres. En 1972, lorsque des réfugiés burundais sont arrivés, cela a coïncidé aussi avec l'épidémie du choléra. Il a ramené des infirmiers italiens qui ont soigné tous les monde. Pour cela, le président Mobutu lui avait même décoré d'une médaille. Monseigneur Danilo Catarzi est décédé en 2004 en Italie et enterré dans une crypte. Sur demande des chrétiens et soutenu par l'évêque du diocèse, l'évêque actuel Sébastien Joseph Muyengo Mulombe, le corps a été rapatrié en RDC mardi 22 novembre 2022 et enterré mercredi 23. Les autorités politiques ont aussi changé le nom de l'avenue de la cathédrale d'Uvira en son honneur pour lui féliciter pour ce qu'il aura été en faveur de la population de cette ville. L'avenue porte désormais le nom de Monseigneur Danilo Catarzi. Depuis Uvira, Jérémy Kouima pour Radio-Télévision Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. L'utilisation du gaz et du foyer amélioré dans la cuisson peut favoriser la protection forestière. Analyse d'un environnementaliste, professeur Jacques Ngengloutse. Selon lui, le nombre d'arbres abattus pour le bois et le charbon de chauffage serait réduit. Vestine Boutoui. La réserve forestière a une grande importance parce qu'elle permet d'avoir un bon air pour la respiration. Elle favorise les précipitations. Elle est également utile pour la construction. Cependant, cette réserve est menacée par les activités champêtres et l'abattage des arbres pour bois et charbon de chauffage. Alors, sa protection s'avère nécessaire compte tenu de son importance. Un expert environnementaliste et professeur à l'Université du Burundi propose des méthodes de lutte contre la déforestation, dont l'intensification de l'agriculture. Si on intensifie l'agriculture, au lieu de produire une tonne par hectare, par exemple, on produit 10 tonnes par hectare, on a contribué à préserver la forêt, donc à lutter contre la déforestation. Une autre chose, Jacques Ngengurutse propose l'utilisation d'autres sources d'énergie comme le gaz pour la cuisson. Il y a plusieurs contributions et je voudrais donner ici la contribution d'utilisation d'autres énergies. Adopter l'énergie à base de gaz au lieu du bois. Il faut d'abord remarquer alors qu'au Burundi, en fait, les grandes villes, je pourrais dire Bujumbura ou Gitega, c'est parmi les rares villes du monde où on utilise encore du bois ou charbon de bois. Sinon, les autres pays utilisent le gaz ou utilisent quand même l'énergie hydroélectrique. Et alors là, ça veut dire que, par exemple, Bujumbura qui a environ ou même plus 1,5 million d'habitants, si par exemple 1 million d'habitants de Bujumbura utilisaient le gaz, ça pourrait contribuer à la préservation des forêts. Néanmoins, cet enseignant chercheur à l'Université du Burundi déplore que l'utilisation du gaz n'intéresse pas la plupart de la population burundaise suite à l'ignorance. Au Burundi, en fait, il y a deux raisons. Quand tu poses la question à une personne, quels sont les types d'énergie que vous connaissez, ils vont te dire le bois, la personne va te dire le charbon de bois, le bois. Et quand vous le demandez, est-ce que vous connaissez le gaz, il va te dire oui, en général. Les autres disent non, mais en général, ils disent oui. Mais alors là, on va te dire que je n'utilise pas le gaz parce que je ne connais pas ou parce que j'ai peur du gaz. Le gaz, je ne suis pas habitué, moi j'utilise ce dont je suis habitué. Le gaz, j'ai peur parce que j'ai des enfants, ça pourrait entraîner des accidents. Pour préserver la réserve forestière, il faut qu'il y ait une sensibilisation sur l'utilisation du gaz, du fait que les recherches faites ont révélé que plus de 90% de la population burundaise exploite une seule source d'énergie qu'est le bois. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.